Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Voici des masques africains, des visages de bois alignés sur l'étal d'un marchand ou disposés avec soin dans la vitrine d'un musée. Voici des visages troublants que le collectionneur expose dans sa demeure. Se trouver face à eux provoque chez certains une forme de malaise et chez d'autres un éblouissement. Dans tous les cas, ils fascinent. Il y a quelques années, deux ethnologues, Brigitte Derlon et Monique Jeudi-Balini, avaient réalisé une étude sur la passion de l'art primitif. Oui, elles avaient été voir des collectionneurs et parmi toutes les explications qui leur avaient été données pour expliquer cette passion, il y avait celle-ci. Ces masques africains ont été chargés de pouvoir et de magie, mais devenus œuvres d'art, ils les avaient perdus. Mais peut-être pas entièrement, oui, ils restaient chargés. Et c'est pour ça qu'ils nous en vaut toujours. Il en va de même avec les civilisations africaines. Elles ont disparu peut-être, mais elles sont toujours vivantes. Cette semaine, le cours de l'histoire, le goût des civilisations perdues, ou plus exactement, nous cherchons à savoir ce que ces civilisations perdues disent de nous, pourquoi elles nous intéressent autant. Et aujourd'hui, nous partons en Afrique, comment l'Afrique se vit, comment l'Afrique regarde son passé avec François-Xavier Fauvel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien, archéologue, directeur de recherche au CNRS. Et avec vous, nous allons parler d'une relecture de l'Afrique par les Africains. Et en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Sarah Phila Bakabadio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne en études américaines et afro-américaines, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise. Et avec vous, nous allons discuter de la manière dont les Afro-Américains regardent leur passé. Sujet passionnant. Tout à fait. Comment on regarde son passé. Et vers la fin de l'émission, nous allons retrouver Anaïs Quien pour son journal de l'histoire. Pour le moment, nous allons à la rencontre d'une femme au destin hors du commun, tout simplement parce que pour les Européens, elle avait un corps hors du commun. Sarah Bartman, la Vénus hottentote. C'est assurément dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet hottentote et l'orang-outan. D'autant plus qu'en juger de la protubérance de ses fesses, est-ce qu'on peut à présent lui retirer ce satané pagne? Can you look at it first, man? Il s'agit d'une observation à caractère scientifique. For science. Enlevez-lui. Non! Non! Quelle brutalité! Il suffit maintenant. Vous savez très bien pourquoi vous êtes ici. Nous avons un accord avec votre gardien. Allez, allez, ôtez-moi ça tout de suite. Je veux vous voir! Je veux vous voir. Vénus Noire, c'est un film d'Abdelatif Kechiche en 2010. Un film sur la Vénus hottentote, en tout cas telle qu'on l'appelait. François-Xavier Fauvel, vous êtes l'auteur d'À la recherche du sauvage idéal qui a paru au Seuil en 2017. Vous pouvez nous rappeler qui est Sarah Bartman? C'est une jeune femme qui était née dans la colonie du Cap, donc ce qui est l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, qui était née aux alentours de 1788 ou 89 ou 90 dans l'est de la colonie du Cap et qui avait été amenée en Angleterre d'abord. Par deux hommes, des colons, pour être exhibée en Angleterre. Elle y est restée 4 ans et ensuite elle a été exhibée en France, à Paris. Et donc on est capable, à partir de différents témoignages de la presse, etc., de reconstituer des bouts de son parcours. Ce qu'on a entendu là, c'est une reconstitution, sous la forme d'un film, d'un moment qui est l'exhibition de Sarah Bartman au Jardin du Roi, ce qui est le Muséum du Sang Naturel aujourd'hui, où elle a été exhibée, vivante, devant les savants de l'époque, notamment Geoffroy Saint-Hilaire et quelques autres. Très intéressés, ces hommes, très intéressés par ce qu'il y avait sous la ceinture de Sarah Bartman. Parce que là, il y a une asymétrie du regard, évidemment masculin sur une femme, occidentaux sur une africaine, et savants sur des parties génitales, puisque c'est ça c'est ça qui les intéresse à ce moment-là. Oui, parce qu'il faut bien le préciser, François-Xavier Fauvel, Sarah Bartman est une femme donc qui vient d'Afrique du Sud, dont le corps fascine ces hommes, non pas simplement parce qu'elle est noire, mais c'est parce qu'il y a des caractéristiques physiques qui les font s'interroger sur l'origine de cette femme. En tout cas, c'est ce qu'ils croient, c'est-à-dire que si le regard de ces hommes blancs occidentaux cherche de ce côté-là du corps, c'est parce qu'ils sont convaincus, ils se sont habitués depuis longtemps à croire que c'était de ce côté-là qu'on allait trouver les preuves. Bon, les preuves de quoi ? Les preuves de l'appartenance ou pas des Hottentots en général, des Khoisan, à l'espèce humaine, ou les preuves, inversement, de leur appartenance à un autre genre, à une autre espèce humaine, ou alors, quelle que soit la théorie qu'on aura fini par retenir, monogéniste, une seule espèce, ou polygéniste, plusieurs espèces, dans quel gradient elle s'inscrit, dans quel échelon elle est. Bon. Et donc, en fait, le corps de Sarah Bartman, en quelque sorte, c'est celui qui va finir par fournir à tous les chercheurs de l'époque, qui se trouvent être français et parisiens, mais une fois qu'elle sera morte, elle sera disséquée par Cuvier, le grand naturaliste de l'époque, et le rapport de dissection circulera partout sur Terre et fournira, là encore, l'épreuve, à charge ou à décharge, à tout le monde scientifique du 19e siècle, pour dire, elle appartient ou pas à l'espèce humaine. Cuvier dit oui. Et à quel échelon faut-il la placer? Cuvier dit tout en bas. Au dernier échelon, juste avant l'orang-outan, mais néanmoins indiscutablement dans l'espèce humaine. Mais sur la base du même rapport, d'autres diront inversement, ce rapport prouve qu'elle n'appartient pas à l'espèce humaine, etc. Donc voilà, il y a là une espèce de scène de crime. Hein, au sens propre, une scène de crime, bon, qui permet aux chercheurs de l'époque et de tout le 19e siècle en général de trouver les indices, voilà, de récolter les indices et les preuves d'une appartenance ou pas de cette femme au genre humain. François-Xavier Fauvel, c'est vrai que dans l'esprit de ces savants du début du 19e siècle, on regarde les espèces, on les classe. Tiens, les chiens, il y a plusieurs races de chiens. Pourquoi pas chez les humains? Et là, il y a un cas. Ils y réfléchissent. Vous avez dit qu'elle était Khoisan. Donc, c'est un peuple. Nous sommes en Afrique du Sud. Qui est ce peuple? Alors, les Khoisan, c'est pas tout à fait un peuple. C'est un ensemble de sociétés, un ensemble de populations qui parlent des langues qui sont Khoisan. Khoisan, c'est un ensemble de langues. Comme on parle de langues indo-européennes, comme on parle de langues bantoues. C'est juste une famille de langues. Bon. Et ce sont toutes les langues d'Afrique, qui possèdent des clics, donc des sons un petit peu particuliers. Eh ben, on va l'écouter justement, comme ça va bien illustrer ce que vous êtes en train de dire. C'est voilà, ça. Exactement, c'est exactement ça. Donc là, on vient d'entendre une langue Khoisan, une langue qui possède des clics, ces sons très particuliers et qui n'appartiennent que aux langues Khoisan. Et ces sociétés Khoisan sont économiquement de différents types. Il y a des chasseurs-cueilleurs, par exemple, ceux qu'on appelle les Bushmen, qu'on appelle aujourd'hui les San, et qui vivent plutôt dans le centre de l'Afrique australe, donc dans le Kalahari, ce qui est le Botswana aujourd'hui, ou la Namibie aujourd'hui. Et puis d'autres gens qui ont été par le passé des éleveurs, notamment les Khoikhoi, qui ont habité en Afrique du Sud, qui ont été rencontrés par les colons hollandais. Voilà, donc toute une série de sociétés très diverses, avec des langues très très diverses, qui ont pour seul point commun de posséder des clics, mais qui sont des langues qui ne sont pas intercompréhensibles. Bon, aussi différentes que le français l'est du persan. Bon, voilà. Donc les Khoisan, ce sont ces sociétés du sud de l'Afrique. D'ailleurs, dans la lecture que peuvent avoir les savants du 19e sur l'Afrique, il y a l'imposition d'une obligation de ressembler à ce que nous connaissons en France, ce que nous connaissons en Europe. Il faut des civilisations, il faut des origines, il faut suivre un modèle. Et ils appliquent ce schéma aux Khoisan. On cherche en fait dans ces peuples une civilisation originelle. Oui, absolument. Alors, effectivement, c'est vrai non seulement au XIXe siècle, mais c'est vrai depuis très très longtemps, c'est vrai depuis le XVIIe siècle, et même un petit peu avant. Les Khoisan ont eu, si je puis dire, la malchance de se trouver en plein milieu de la route commerciale qui a été la plus importante de l'époque moderne, hein, celle qui reliait l'Europe aux Indes orientales, et juste au milieu, il y a quoi ? Il y a le bout de l'Afrique, bon, et au bout de l'Afrique, il y a ces sociétés Khoisan. Et donc, toutes les expéditions commerciales de découverte d'abord à partir du XVe siècle et puis ensuite toutes les expéditions marchandes de XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle font nécessairement escale au bout de l'Afrique qui est exactement à mi-chemin. Bon. Donc c'est pas pour rien que les Hollandais ont installé là un comptoir d'abord et puis une colonie ensuite qui est la plus vieille colonie d'Afrique, bon, et la plus pénétrante. Et donc les sociétés africaines qui se sont trouvées là sur ce chemin ont été, je dirais, ont très tôt expérimenté les dégâts de la rencontre, de la colonisation, ont très vite subi la déstructuration de leur société et la destruction de leur société. Donc les Khoisan sont à la fois connus très anciennement par les sources écrites européennes et en même temps ont très très vite disparu, explosé en tant que société. D'ailleurs, quand on regarde l'art africain, effectivement, il y a cette volonté occidentale de supprimer toute forme de relation avec la société. On ne connaît pas les artistes, alors qu'on aurait pu les connaître. On a supprimé tout ce qui fait la caractéristique. On a mis une jolie patine. On les a dépossédés de leur art. Je suis très content que vous disiez ça, parce que c'est en effet tout ce que je pense de la muséification, voilà, de l'art africain, de l'ethnicisation et de l'esthétisation qui vont ensemble, deux processus qui vont ensemble. Bon. De l'art africain qui finit dans les vitrines de nos musées comme des objets complètement privés de sens, c'est-à-dire désémantisés. Bon, et voilà, et c'est pourquoi en particulier je milite non seulement pour une restitution évidemment de l'art africain au pays d'origine, mais surtout pour une resémantisation, c'est-à-dire travailler avec les pays à qui nous proposons de restituer, voilà, pour qu'on reconstruise aussi des discours dont ces objets ont été privés en même temps qu'ils ont été transférés. Voilà. Donc c'est pas tout de rendre, il faut savoir bien rendre, et bien rendre, c'est un peu plus que simplement se débarrasser d'une patate chaude, d'un problème, c'est aussi contribuer à reconstruire des discours, et en particulier des discours sur l'histoire. François-Xavier Fauvel, c'est vrai que nous parlons de Sarah Bartman, la Vénus hottentote, nous sommes au début du 19e siècle, mais tous ces échos anciens sont en fait extrêmement contemporains. Vous venez d'évoquer le cas des restitutions, mais pour Sarah Bartman, il y a eu ce retour, cette restitution de la dépouille par la France à l'Afrique du Sud, c'était en 2002, et c'est intéressant ce qui s'est passé là, vous l'avez regardé, il y a eu un phénomène de réappropriation par les populations locales de cet ancêtre peut-être fantasmé. Oui, alors, bien sûr, c'est-à-dire que c'est évidemment ce qui se passe à chaque fois qu'il y a restitution, c'est-à-dire qu'on ne restitue pas tout à fait la même chose que ce qui a été emporté, je dirais par définition. Effectivement, la restitution du corps ou de ce qu'il en restait de Sarah Bartman, de la dépouille de Sarah Bartman à l'Afrique du Sud, restitue pas tout à fait la même chose puisque c'est chargé de projection, d'identité, etc. Bon, et en l'occurrence, les gens qui réclamaient le retour de la dépouille de Sarah Bartman et qui la considéraient comme l'une des leurs et qui disaient c'est notre grand-mère, n'étaient évidemment pas tout à fait les mêmes puisque c'était des gens qui, par définition, avaient été détruits en tant que société par la colonisation. Bon. Et ce que je pointe dans le livre que j'ai écrit sur ce sujet-là, donc à la recherche du sauvage idéal, c'est que nous n'avons pas le droit, en tant qu'historien, d'ironiser sur le décalage qu'il y a entre une société authentique et une société qui, un siècle, deux siècles, trois siècles plus tard, réclame quelque chose, une restitution, un retour en dignité. Et nous n'avons pas le droit d'ironiser sur ça parce que c'est le fait même de l'histoire. Si ces gens-là ont été, si ces sociétés-là ont été privées de leur langue, privées de récits historiques, privées. Bon. Donc ce décalage-là est le fait même de l'histoire et c'est ce qui rend précisément des restitutions, en l'occurrence là, le corps de Sarah Bartman, signifiante. Et donc ce qu'on a pu observer à ce moment-là, c'est effectivement très intéressant, c'est la remobilisation d'identité de gens qui ont longtemps été appelés « colored » en Afrique du Sud, ce qui ne veut pas simplement dire « gens de couleur », ce qui veut dire « fruit de métissage ancien entre colons et Khoisan bon. ». Des gens qui depuis longtemps ne parlaient plus du tout des langues Khoisan, des gens qui ne connaissaient plus du tout le sens de rituels, de vêtements, etc. Des gens qui parlaient le hollandais, qui étaient calvinistes. Bon. Et qui néanmoins, après avoir, pendant tout l'apartheid, plutôt revendiquer une ascendance blanche parce que c'était utile dans le contexte de l'apartheid, il valait mieux valoriser de l'ascendance blanche, mais d'un seul coup se sont ont changé de pied, si je puis dire, et dans leur ont changé d'ancêtre dans leur généalogie. Bon. Et je disais tout à l'heure, attention, n'ironisons pas. Non, parce que on a le droit de faire ça, et tout le monde fait ça. Bon, on va choisir dans nos généalogies les ancêtres qui sont à un certain moment plus utiles, plus pertinent, qui nous parle mieux, plus adapté au présent dans lequel on est. Et c'est ce qu'on fait, toute une série de gens dans l'Afrique du Sud d'il y a une dizaine d'années, en allant rechercher des ancêtres qui avaient été oubliés. Et puis il y a le travail de l'historien, comme vous, François-Xavier Fauvel. Il y a aussi ce regard sur ces peuples. Et les Khoikhoi, vous les avez cherchés. Les avez-vous trouvés? Alors, les Khoikhoi, je les ai cherchés parce qu'ils ont cette particularité d'avoir disparu un petit peu trop tôt. Sacrifié, si je puis dire, sur l'autel de la modernité, c'est-à-dire comme la modernité, le monde moderne, notre monde moderne depuis le 15e siècle, 16e siècle, bon, s'est construit aux dépens d'un certain nombre de sociétés, bon, qui ont disparu, qui ont été tuées, enfin qui ont été massacrées, bon, et parmi ces sociétés disparues, sacrifiées à la construction de la modernité, bah il y a les Khoikhoi. Et s'ils sont si paradigmatiques de ce phénomène-là, c'est à la fois parce qu'ils sont très très bien documentés, pour des raisons que j'ai dites tout à l'heure, parce que tous les voyageurs les connaissent, parce que ayant disparu trop tôt aussi, ils ont continué à exister comme une espèce de marionnette qui parle toute seule, qui n'a plus besoin d'être vraie, mais qui continue à parler. C'est ce qu'on a appelé le Hottento. Bon. Et toute la littérature des Lumières, et on a parlé tout à l'heure aussi de la science naturaliste du 19e siècle, continue à faire parler les Hottentots, même en l'absence des Khoikhoi qui ont disparu. Donc cette espèce de, ça crée voilà une espèce de configuration très particulière, narrative très particulière, avec beaucoup de textes sur les Khoikhoi, beaucoup d'informations, mais une société qui a disparu et dont la marionnette continue de parler. Donc j'ai essayé de faire de l'histoire avec ça, voilà, de retraverser ces couches-là, hein, de remonter dans le temps, d'écarter les rideaux les uns après les autres pour aller nous rapprocher de plus en plus des Khoikhoi vrais. Et comme tout historien qui se méfie de ce que c'est toujours, bon, ben je sais toujours que en écartant un rideau, je me rapproche d'un autre rideau plus lointain. Et puis on essaie de se rapprocher d'une scène où l'histoire se passe, et c'est ce que je fais dans le dernier chapitre de ce livre, en essayant de me rapprocher le plus près possible à la recherche de ce qui est, voilà, la vie quotidienne d'une société Khoikhoi. Voilà, vous les frôlez, ouais. Vous les frôlez sans jamais les atteindre, et à travers tous ces rideaux, il y a des rideaux de fer qui ont été mis par les Occidentaux au moment où ils étaient colonisateurs, et ce réveil de la conscience de civilisation passée en Afrique vient d'Afrique, et on va écouter Aimé Césaire qui parle de Cheikhanta Diop. Cheikhanta Diop a fait quelque chose qui est important historiquement. Il a contribué à redonner à l'Afrique son passé. Et en redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. Ses premiers travaux, c'était une de ses obsessions, ses premiers travaux ont porté sur l'Égypte. Et de notre temps, la mode, les historiens, ils ont toujours considéré l'Égypte, si vous voulez, comme une sorte de fait à part en Afrique. On oubliait même que l'Égypte est une nation africaine. Alors, c'est un peu, c'est même fondamentalement, contre cette thèse que Cheikhanta Diop a réagi. Et alors, Cheikhanta Diop s'est piqué au jeu. Il est devenu, à son tour, un égyptologue. Et un égyptologue extrêmement érudit, extrêmement précis. Et il a démontré scientifiquement ce dont il avait eu l'intuition. Il a démontré ce dont il avait eu l'intuition. C'est Aimé Césaire qui parle de Cheikhanta Diop, ce dont il avait eu l'intuition. Ce sont les pharaons noirs, par exemple, dans Nation Nègre et Culture. Nous sommes dans les années 1950. François-Xavier Fauvel, c'est un véritable tournant, le travail de Cheikhanta Diop. Oui, alors c'est un tournant, je dirais, identitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il fait connaître, il amène sur la table un certain nombre de propositions et de discours. On tiendrait plus du tout la même analyse d'aujourd'hui. Et personnellement, je suis pas fan de Cheikh Anta Diop et beaucoup d'intellectuels africains ou de chercheurs africains non plus. Bon, il faut lire ce qu'écrit Souleymane Bachir Diagne à ce sujet-là en disant arrêtons, ça n'est pas vrai. Bon, et il y a beaucoup plus de diversité et beaucoup plus de civilisations très intéressantes. Il y a absolument pas besoin d'aller homogénéiser les sociétés africaines en faisant une espèce de magma égyptien indifférencié. Non, bon. Donc mais néanmoins, effectivement, il y a ce tournant-là des années 50 ou 60 de prise de conscience. C'est-à-dire que quel est l'arrière-plan? Ben, l'arrière-plan, c'est le déni d'histoire, bon, qui continue à être très présent sous différentes formes aujourd'hui, qu'elle soit muséographique ou qu'elle soit. Souvenons-nous qu'il y a un peu plus de 10 ans, un président de la République, a dit à une tribune que l'homme africain n'était pas entrer dans l'histoire. C'est ça le background contre lequel les historiens de l'Afrique, en Afrique ou en France ou ailleurs, ne cessent de travailler. Bon, donc c'est toujours là et ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire. Voilà, il y a dans le travail de Cheikh Anta Diop à la fois une alerte sur l'histoire, et en même temps ce vide qu'il constate, il le meuble un petit peu rapidement, il le remplit un petit peu rapidement avec de l'idéologie, mais néanmoins il reste le travail d'alerte, voilà, qu'il a fait. Et l'alerte est là. Vous avez publié, François-Xavier Fauvel, De la Cacus au Zimbabwe, l'Afrique ancienne. Voilà, le livre de référence sur l'Afrique ancienne chez Belin. Ce livre-là est quand même l'aboutissement d'un long questionnement entre Cheikh Anta Diop dans les années 1950, où on se dit, tiens, il y a eu des civilisations africaines, réfléchissons à ces civilisations. Et puis, là où on en est aujourd'hui, comment ça s'est construit? Un travail considérable, c'est-à-dire que l'histoire de l'Afrique est une discipline qui s'est institutionnalisée, voilà, un petit peu partout sur Terre, en Afrique, en Europe, en Amérique, etc. Très rapidement dans les années 50 et 60, avec des professeurs, avec des chercheurs. Bon, paradoxalement, j'irais même jusqu'à dire qu'il y avait plus de gens qui travaillaient sur l'histoire de l'Afrique ancienne dans les années 50 et 60 qu'il y en a aujourd'hui. Ça s'est un petit peu rétréci pour toute une série de raisons qui seraient trop longues d'analyser ici, mais qui ont en particulier à voir avec le fait que beaucoup de pays africains ont désinvesti dans l'enseignement supérieur et en particulier dans ces disciplines pas très rentables que sont l'histoire ancienne et l'archéologie. Mais les pays occidentaux ont fait de même, et au lieu de miser comme ils devraient le faire, comme devraient le faire les grandes agences de recherche, voilà, sur des continents d'histoire qui ont encore un potentiel très très très fort de découverte, en particulier archéologique, au lieu de ça, l'histoire ancienne de l'Afrique subit une espèce de désinvestissement. Bon, okay, mais il y a maintenant plusieurs décennies d'accumulation de travail, de publication de sources écrites, de mise au jour de documents, de fouilles archéologiques, un renouvellement complet, en particulier depuis 20 ans. Et ce livre que vous signalez, L'Afrique ancienne. C'est voilà. Un ouvrage collectif. Ça c'est un ouvrage qu'il y a collectif. Une génération de jeunes voilà. Historiens qui travaillent sur ces sujets-là, avec peut-être une idée assez simple. Bon, c'est vrai qu'on s'amuse régulièrement de dire, mais non, l'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique c'est un continent, il y a beaucoup de confusion autour de ça, mais serait aussi dire, mais l'Afrique est une terre d'histoire. Il y a eu des civilisations africaines, il y a un empire Luba, il y a un royaume Congo, il y a eu de vraies civilisations en Afrique, simplement le rappeler. Bien sûr, il faut simplement le rappeler, il faut simplement le montrer. Bon, et le rappeler, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé moi de faire des conférences, et à la fin, et en dépit du fait que pendant une heure je montrais des images, je montrais des écrits, je montrais des choses, à la fin, une personne du public venait me voir en me disant mais vous êtes sûr? Aïe. Bon, mais comme si ce que je venais de montrer n'avait eu aucune prise. Bon, donc c'est pas tout de le dire, il faut encore le montrer et le montrer et le montrer pour toujours aller démentir voilà cette suspicion d'anhistoricité. Bon, et donc il faut voilà, mais on le sait et on travaille avec ça. On n'est pas simplement historien de l'Afrique en étant dans sa tour d'ivoire, on l'est toujours contre quelque chose ou malgré une suspicion. François-Xavier Fauvel, la question se pose également pour les Africains. Quelle conscience ont-ils de la richesse de leur civilisation passée aujourd'hui ? Il y a encore des traces ? Alors là, je dirais, méfions-nous des généralisations. C'est-à-dire, de la même façon que l'Afrique c'est plusieurs continents d'histoire, c'est aussi une variété de situations culturelles, politiques, éducatives. Donc la situation à l'égard, la perception des Africains d'aujourd'hui à l'égard de leur passé est très très variable selon les pays. Elle dépend principalement du niveau d'éducation moyen dans ces pays-là. Donc il y a des régions d'Afrique dans lesquelles il y a une très très forte conscience patrimoniale et historique, une très forte présence du récit historique. C'est le cas en particulier de l'Afrique du Sud et des pays voisins dans lesquels, mais parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'enseignements d'histoire, il y a beaucoup d'archéologues, et puis il y a des pays dans lesquels il y a eu une coupure s'est effectuée avec le passé. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas par exemple de spécialistes nationaux du passé, dans lesquels parfois même il n'y a pas de personnes capables de lire les langues classiques, donc qui sont en général souvent mieux connues à l'étranger que dans ces pays-là. Et il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de filière doctorale en archéologie. Par exemple, il y a beaucoup de pays africains dans lesquels il n'y a pas de filière doctorale en archéologie. Donc il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de service national d'archéologie, ni de service d'archéologie préventive, etc. Donc tout ça crée des très très fortes disparités. Et évidemment, ces très très fortes disparités signifient aussi une très très forte demande d'histoire. Très très forte demande d'histoire. Forte demande d'histoire en Afrique, avec un manque de musées aussi dans certains pays, qui pose un véritable problème. Et puis, parce que nous réfléchissons cette semaine sur l'intérêt de ces civilisations perdues, pourquoi elles nous intéressent autant, il y a aussi leur usage politique. Et pour certains pays, je pense au Congo, République démocratique du Congo, Mobutu avait utilisé un passé un peu fantasmé pour créer une identité. L'important est que le passé soit disponible. Évidemment, lorsque le passé n'est pas disponible, il laisse prise à toutes les idéologies possibles. Donc mon travail d'historien, le travail de n'importe quelle historienne ou historien qui travaille sur l'Afrique, c'est de rendre le passé disponible. Bon, et après les citoyens, les gens, les sociétés en font ce qu'ils veulent. Voilà, et à chaque nation de construire son bon. Et ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas en tant qu'historien. Bon. Mon travail est de rendre des passés disponibles. Mais pour répondre à votre question, qui est de savoir pourquoi ça nous intéresse, ou pourquoi ça devrait nous intéresser, l'histoire de l'Afrique. C'est pas simplement parce que c'est intéressant, ça l'est. Ça l'est déjà. Ça l'est. C'est pas simplement parce qu'il y a une variété de civilisations, c'est pas simplement parce que les chasseurs-cueilleurs sont aussi nos contemporains. Bon, tout ça c'est vrai. Bon. Mais c'est aussi parce que les sociétés africaines ont emprunté des trajectoires que n'ont pas emprunté d'autres sociétés, d'autres régions du monde. Et en particulier, le refus dans la longue histoire de l'Afrique, le refus de l'homogénéisation. Bon, on voit en Afrique des sociétés qui cohabitent et qui pour certaines sont reconnaissables comme des royaumes centralisés. Bon, donc là on est en terrain. Bon, mais en même temps, voisine avec ces sociétés-là des chasseurs-cueilleurs. Bon. Et voisine avec ces sociétés-là, des éleveurs de vaches qui ont fait des grands éleveurs nomades de vaches qui ont fait le choix. Pour qui c'est un choix de bon. Donc il y a des choix économiques, il y a des choix politiques qui visent plutôt la cohabitation, la symbiose économique et culturelle, la fabrique d'une très très grande diversité religieuse, économique, etc., qui est contre-intuitive si on a en tête que l'histoire de l'Europe, qui est un rouleau compresseur, qui homogénéise. Voilà, en Europe, il n'y a que, et depuis longtemps, il n'y a que des formations politiques centralisées, quelles qu'elles soient. Il y a une très très forte homogénéisation linguistique. Il n'y a que des langues indo-européennes, par exemple. Bon, à l'exception de quelques isolats. En Afrique, c'est pas le cas. Voilà. Bon, donc ce refus de l'homogénéisation linguistique, politique, culturelle, économique, etc., est un trait absolument remarquable de l'histoire longue de l'Afrique. On le voit aussi dans d'autres domaines technologiques, etc. Et là, il y a une leçon d'histoire très intéressante, qui est que l'Afrique a emprunté d'autres formes évolutives, d'autres formes d'histoire, et par conséquent, ça éclaire aussi l'histoire de l'Europe. Mais pourquoi diable, l'histoire de l'Europe a-t-elle été ce qu'elle était ? Et pour mieux la comprendre, il faut regarder ailleurs, et en particulier en Afrique. Merci beaucoup François-Xavier Fauvel, et je rappelle votre livre « À la recherche du sauvage idéal ». Et juste après Iggy Pop, nous partons aux États-Unis. be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James Bond par Iggy Pop, c'est un extrait de son prochain album Free. L'occasion de rappeler que cette émission, Le cours de l'histoire, est mise en onde par Thomas Jost, à la technique aujourd'hui Jean Frédérics. Et pour poursuivre cette exploration des Afriques, nous sommes aux États-Unis, merci un peu d'Iggy Pop, avec Sarah Phila Bacabadio. Donc, rebonjour. Rebonjour. Voilà, vous êtes l'auteur d'Africa on My Mind, histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis, un ouvrage paru en 2016 aux éditions Les Indes Savantes. L'afrocentrisme, j'ai envie de vous demander tout simplement, qu'est-ce que c'est? Quel est ce mouvement que vous avez étudié? Alors, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 60. Dans le sillage des mouvements du Black Power et donc des nationalismes noirs, que je pourrais expliquer ensuite. Et l'idée principale, c'est construire un point de vue africain sur le monde, et notamment en écrivant l'histoire de l'Afrique et du monde à partir de l'Afrique. Alors c'est une localisation pour le coup assez théorique, dans la mesure où les tenants de ces théories sont africains-américains et pensent l'Afrique depuis cette histoire africaine-américaine, et pas depuis une histoire africaine. Oui, il y a quelque chose de complexe toujours dans la géographie, dès qu'on étudie l'Afrique, parce que c'est vrai qu'il y a une question de continent, de pays, de nation, et en l'occurrence, vous venez de le rappeler, c'est les États-Unis. François-Xavier Fauvel va publier chez Autrement un atlas historique de l'Afrique. Il aurait pu mettre les États-Unis longuement, parce que l'Afrique est également aux États-Unis. C'est lié à la traite, à l'esclavage, cette conscience de venir d'Afrique est encore très forte. Elle est très forte et nécessairement, c'est-à-dire que aux États-Unis comme dans d'autres pays des Amériques, les populations noires ont effectivement viennent en Amérique à cause de la traite transatlantique. On leur rappelle constamment tout au long de l'histoire qu'ils viennent de ce continent. Ils sont aussi discriminés du fait de cette origine. Et aux États-Unis, la trace d'Afrique est dénigrée et effacée à tous les moments de l'histoire. Donc la volonté de retour est nécessaire et légitime. C'est-à-dire que au XIXe siècle, par exemple, ça s'organise par un mouvement du retour vers l'Afrique, notamment organisé par les abolitionnistes, par des pasteurs, et qui donne naissance notamment au Libéria et à la Sierra Leone. Donc c'est nécessaire, c'est un trauma qui s'est transmis de génération en génération, et puisque Toni Morrison est décédé il y a peu de temps, quand on lit Beloved, on lit aussi la trace de ce trauma, la trace de la douleur de la perte, et comment la perte est aussi entretenue par la discrimination au quotidien. Et donc ça, c'est aussi un ressort nécessaire et de facto entre les Africains américains et l'Afrique. Parce qu'il y a un rappel à l'Afrique par la peau. Ne serait-ce que ça, et que par la couleur de peau, on a une discrimination qui se crée aux États-Unis. Les Blancs regardent les Africains qui sont venus, leurs esclaves, et les Africains eux-mêmes, pour construire leur identité, peuvent regarder vers l'Afrique avec un mouvement très long, vous venez de nous dire, un mouvement qui commence au 19e siècle et qui prend parfois une ampleur assez forte. Marcus Garvey qui met en place un système de retour. Vous pouvez nous expliquer ce qui a été créé? Nous sommes après la Première Guerre mondiale? Oui. Alors Marcus Garvey, parmi d'autres, il n'est pas le seul, il est certes l'un des plus connus, jamaïcain, s'installe aux États-Unis, commence à prêcher à travers le pays en expliquant que la seule solution à la ségrégation, c'est le retour en Afrique. Alors il n'est pas le seul. Et il commence à organiser la chose en disant « je vais créer une compagnie qui sera appelée la Black Star Line », avec des bateaux qu'il achète, pour organiser la migration de retour ». La chose ne fonctionne pas dans la mesure où il a des problèmes de financement. Il est aussi persécuté par l'État américain qui le voit comme un agitateur. Et l'intérêt de la chose, c'est qu'il a influencé un certain nombre de populations noires aux États-Unis, mais aussi dans la Caraïbe, mais aussi en Europe, sur l'idée de comment organiser une migration et la possibilité de repartir. Et l'idée que on peut se réinsérer dans une société africaine, même 400 ans après avoir été séparé de ce territoire. En histoire, il faut toujours contextualiser. Nous sommes dans les années 1920. L'Afrique est en grande partie colonisée. Oui. L'Éthiopie y échappe encore et pour pas longtemps. Pourquoi, à ce moment-là, il y a un désir de retour? Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, certains Afro-Américains se disent « l'Afrique est impossible, est un plus loin possible oui. ». Ben, ils se sont toujours dit que c'était impossible, dans la mesure où aux États-Unis, ils étaient mis en esclavage. Après, ils ont eu la ségrégation à partir de 1896, après la décision de la Cour suprême Plessy versus Ferguson. Ils n'ont jamais été totalement chez eux. On leur a rappelé constamment qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils étaient là par la volonté de quelqu'un d'autre. Et ils voulaient pouvoir être libres sur un territoire, et aux États-Unis, ça semblait pas possible. Donc quel autre territoire semblait possible, le territoire des origines, l'Afrique? Même si c'est un imaginaire qui est construit au fil des siècles, puisque après cette déchirure de la traite transatlantique, on ne peut que construire à partir de la vie qu'on a sur la plantation, la vie qu'on a dans un quartier ségrégué, et la vie qu'on a même aujourd'hui dans un ghetto africain-américain, où on imagine cet ailleurs. Mais cet ailleurs, c'est impossible, comme vous le disiez. Et ce possible, ça donne de l'espoir, dans une situation qui est chaotique, dans laquelle on ne voit pas d'issue. Donc pour les Afro-Américains, il y a une Afrique complètement rêvée, fantasmée, imaginée, reconstruite, mais quelques-uns ont fait le voyage. Cependant, on a des témoignages sur ce qu'ils ont ressenti en arrivant. Est-ce qu'ils ont pu trouver cet Éden, ce paradis perdu? Alors, on a quelques témoignages, notamment du 19e siècle. On a des témoignages beaucoup des années 60, notamment de personnages comme Kwame Touré, donc anciennement Stokely Carmichael, qui se sont installés en Afrique, qui se sont mariés avec des Africains et Africaines. Il y a un accueil, et c'est ça qui revient fréquemment, c'est-à-dire que le fait de se sentir chez soi et d'être accueilli par les gens sur place en disant « vous êtes chez vous », Ça, c'est ce qu'ils attendent et ce qu'ils reçoivent parfois, mais pas toujours. Pas toujours. Ce mouvement, d'ailleurs, se poursuit dans les années 60 avec Malcolm X. On va retrouver cette même volonté de porter un regard nouveau sur l'Afrique. Oui, et Malcolm X a une idée très spécifique quand il va en Afrique en 64. C'est d'obtenir le soutien des pères des nations africaines pour la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Oui. Et donc c'est vraiment dans l'idée d'un panafricanisme, d'une co-construction, d'une lutte globale. Alors, la lutte globale, elle est intéressante. On va écouter le professeur Théophile Obenga, donc du Congo-Brazzaville, le professeur Obenga qui nous parle de sa vision de ce qu'a pu être la colonisation. C'est un système qui va venir coloniser, si vous voulez, l'Afrique. Bon, comme ils sont blancs, on dit, bon, c'est les blancs, tous les blancs. En fait, non, il y a des blancs qui se révoltent aussi contre ce système. Donc ce n'est pas tout à fait l'affaire des blancs. L'Europe, à part le charbon, ils n'ont rien dans leur sous-sol, absolument rien du tout. Ni cuivre, ni diamant, ni or, ni fer, ni uranium, ni tungstène, ni cobalt, ni... il n'y a strictement rien. Bon, ils ont cassé leur forêt depuis le Moyen-Âge. Ils n'ont presque plus de forêt, de bois. Alors, du coup, ils viennent, soit en Amazonie, et casser la forêt, et soit sur le continent africain, casser la forêt, tuer les éléphants, et prendre de l'or, du diamant. Ils sont les premiers producteurs du diamant au monde, à Anvers, alors qu'il n'y a même pas un seul grain de diamant en Belgique. Il n'y a pas un seul grain de diamant en Belgique, et pourtant c'est en Belgique qu'on trouve les diamants. Alors Théophile Obenga a un propos qui tranche, et on sent que dans ce qu'il dit, il y a une volonté d'opposition, de lutte très ferme, presque une forme de provocation. C'est un discours que l'on retrouve, ça, dans cette construction que peuvent avoir des Afro-Américains. Le professeur Obenga a enseigné à San Francisco, UCLA. Et donc, il y a cette volonté d'imposer comme ça un clivage naître, presque une lutte dans la volonté de se dire africain. Sarafila Bakabadio ? Oui, et se dire africain selon ses propres termes, comme on dit. C'est-à-dire que définir comment, quoi, à quel lieu spécifique on se rattache, notamment par exemple à un village, à une région, même si c'est parfois imaginaire, même si parfois ça suppose d'acheter des titres nobiliaires à des suzerains locaux, mais le faire selon ses propres termes. Et construire aussi un discours, notamment sur l'histoire, en prenant des références africaines et noires. Alors ça marche pour Obenga, effectivement. Ça marche moins pour les afrocentristes aux États-Unis, dont les références sont rarement africaines. C'est-à-dire qu'en dehors de Cheikh Diop, dont on a parlé tout à l'heure, il y a peu d'historiens africains, peu d'universitaires africains et d'intellectuels africains qui sont mentionnés dans leur généalogie. Et il n'y a pas, et ça c'est la critique que je fais dans mon ouvrage, c'est il n'y a pas de co-construction comme il pouvait y avoir de co-construction avec le panafricanisme. Il n'y a pas un dialogue sur qu'est-ce qu'on peut faire sur la catégorie africain, qu'est-ce qu'on peut faire sur les représentations de l'Afrique dans le monde ensemble. Le ensemble n'existe pas encore, ou du moins dans cette génération-là que j'ai étudiée. La nouvelle génération, j'espère qu'elles font mieux. Ouais. Il faut espérer qu'elle fasse mieux. Sarafila Bakabadio, votre ouvrage chez Africa on Man Mind, Histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis. Il y a vraiment toute une question pour l'Afrique autour de la notion de diaspora. Et c'est extrêmement complexe de construire l'histoire d'une diaspora. En vérité, quand on regarde, on a un assemblage d'imaginaires. Et cet assemblage d'imaginaires peut-il construire vraiment une histoire ? Ça peut. Ça peut construire des vies. Parce que j'ai rencontré des gens aux États-Unis qui construisaient des vies sur un imaginaire d'Afrique en changeant de nom, en ayant des rituels, notamment Kwanzaa, qui est l'un des rituels les plus connus aux États-Unis et qui est reconnu par l'État fédéral. On peut se référer à un lieu, j'en ai rencontré, qui se disait à Caen sans jamais avoir été au Ghana. Donc c'est possible. C'est possible. La question est quand ce discours est présenté comme un discours de vérité. Et un discours de vérité qui est confronté aux Africains, parfois sur place, migrants, qui ne se reconnaissent pas, et du coup le dialogue est compliqué, et parfois confronté à une réalité quand les gens finalement vont en Afrique. C'est là que la chose coince. C'est là que la chose coince. Le Ghana a notamment fait beaucoup de signes envoyés aux Afro-Américains pour qu'ils reviennent au pays, et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'un Afro-Américain qui sort d'une ville des États-Unis et qui arrive au Ghana peut être drôlement surpris. C'est peut-être pas l'Afrique qu'il a rêvé. Ça crée un choc. Ce choc peut être perturbant aussi dans cette volonté de se construire une identité, un imaginaire avec une Afrique un peu rêvée. Oui,

en faisant de la psychanalyse à la petite semaine, que mon aversion pour le violet vienne de cette méchante femme qui m'avait réprimandé parce que je voulais prendre l'ascenseur tout seul, parce que je jouais dans la cour, que je faisais du bruit. Voilà. Couleur de la souillure et de la stigmatisation, couleur de signalisation par excellence du fait de sa tonicité, trop éclatante pour être élégante dans un vestiaire occidental morose, le jaune pourrait malgré tout sortir du purgatoire chromatique selon Michel Pastoureau et perpétuer son histoire tourmentée. Sa dévaluation semble en perte de vitesse, au moins dans le champ politique. Le jaune a été choisi par le mouvement Cinque Stelle en Italie et bien sûr par les gilets jaunes, devenant la couleur des hors-système par excellence. Le jaune de Michel Pastoureau en librairie. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve tous les liens et les informations complémentaires sur la page du Journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr. Sarah Fila Bacabadio, le problème des restitutions est très large, hein, parce qu'il va des spoliations de la Seconde Guerre mondiale à tout ce que les Européens ont pris à l'Afrique. Vous avez quel regard, vous, sur cette question, après avoir étudié ce que les Afro-Américains portaient comme regard sur l'Afrique, c'est-à-dire comment ces restitutions peuvent contribuer à renforcer une identité réelle ou imaginaire? Alors, à titre personnel, je suis plutôt favorable aux restitutions aussi parce que, comme disent beaucoup d'Africains, il faut aller en Europe pour pouvoir voir les objets de nos propres cultures, ce qui est dommage. Aussi parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on esthétise beaucoup les objets et en fait, ils perdent leur signification originelle, culturelle, parfois spirituelle. Aux États-Unis, ça reste malgré tout la porte d'entrée vers une culture africaine pour un certain nombre d'Africains américains. Je suis allée par exemple au musée d'art africain à Washington et c'est là que beaucoup d'Africains américains peuvent voir des traces du passé. Moi je serais favorable à un retour en Afrique des objets, de tous les objets. Ça pose effectivement la question pour un musée occidental de qu'est-ce qui reste, mais c'est une part d'histoire, c'est une part de soi, et ça permettrait aussi aux gens de se parler et de se rencontrer sur place. L'Afrique n'est pas simplement un endroit où on va chercher des choses et on récupère et puis après on en parle. Il faut aller voir et vivre avec les gens, et ce serait peut-être aussi une occasion de le faire. Voilà, belle conclusion aussi, Sarah Fila Bacabadio. Aller en Afrique pour voir ce qu'est l'Afrique, c'est déjà pas mal. Rencontrer et échanger. Merci beaucoup. Le cours de l'histoire, c'est merci. Terminé jusqu'à demain, où nous allons poursuivre notre exploration des civilisations passées avec un autre cas hallucinant, comment les nazis ont pioché ici et là pour construire quelque chose qu'ils voulaient être leur civilisation. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane, Viudès et Camille André. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur le site Le cours de l'histoire sur franceculture.fr.